j'aurais pu être. Dis-moi ce que j'aurais pu être. J'aurais pu être. Dis-moi ce que j'aurais pu être. Yeah, D-R-Y. Ce que j'aurais pu être. Dis-moi ce que j'aurais pu être. Yeah, yeah. Ce que j'aurais pu être. Yeah. Un mouton parmi les loups, moi j'aurais pu être. Comme au milieu des lâches, cousin j'aurais pu naître. Pourquoi pas finir sur canal, ta clé d'Ain tu l'es. Un ange au tribunal, ça j'ai jamais su l'être. Oui mais tout ça je ne regrette pas. Si j'ai quitté ma route en lâchant les manettes. Oui mais tout ça je ne regrette pas. Cette vie de ghetto youth que j'ai pour être honnête. Moi déjà gamin, qu'est-ce que j'aimais planer. M'inventer des mondes sans Babylone sur nos paliers. Je me suis soigné comme ceux qu'on perpète. Je réalise que les promesses sont des dettes impayées. Donc j'avise et ne commets pas le pire mais l'impensable. Pour s'offrir un empire on a choisi d'être intouchable. Or j'aurais pu être juste un patriote ou un poète. Mais je l'ai coupé de l'illicite et sabré du moët. Être locataire au baumette à cause d'une passe foireuse. Non, briller dans le ballon car doté d'une frappe fameuse. Comme Cristiano enflammé les stades. Mais c'est de la violence du ghetto que j'ai enflammé les stades. Pourquoi pas un astronaute faire un tour vers l'apogée. Fouler la lune et mater le globe en contre-plongée. Or je suis D-R-Y, Landry pour les intimes. Et je rappe sec mais ça ne me rapporte que des centimes. Moi j'aurais pu être. Comme au milieu des lâches, cousin j'aurais pu naître. Pourquoi pas finir sur canal, ta clé d'Ain tu l'es. Un ange au tribunal, ça j'ai jamais su l'être. Oui mais tout ça je ne regrette pas. Si j'ai quitté ma route en lâchant les manettes. Oui mais tout ça je ne regrette pas. Cette vie de ghetto youth que j'ai pour être honnête. J'aurais pu être un avocat de la paix, un rouage. Car loi et banditisme ici font bon ménage. Être un clando qui cherche le bonheur à la nage. J'aurais pas pu être un con facho vu mon entourage. Finir au cachot, m'y sentir comme chez moi. Corrompre des matons car je ne suis que qu'un prima fia. Un vrai leader, écrire des best-sellers. Comme ça il a volé tous les pouvoirs de mes détracteurs. Bailar au Maldives au rythme de la noche. Ou juste un smicard qui veut buff en faux dolce. J'aurais pu être comme J.R. Ewing. Un manipulateur né tout ça pour devenir le king. Avec une rage de viking, rafaler sur les gyros. Ne jamais sortir du ring si t'as pas fini le boulot. Or je suis D.R.Y, le dé pour mes victimes. Et je rappe sec mais ça ne rapporte que des centimes. Moi j'aurais pu être. Comme au milieu des lâches, cousin j'aurais pu naître. Pourquoi pas finir sur canal, ta clé d'Ain tu l'es. Un ange au tribunal, ça j'ai jamais su l'être. Oui mais tout ça je ne regrette pas. Si j'ai quitté ma route en lâchant les manettes. Oui mais tout ça je ne regrette pas. Cette vie de ghetto youth que j'ai pour être honnête. J'aurais pu être un Kaiser pour mes sauces et faire danser au taser tous mes associés. Faire le tour du monde en 80 jours. Mais non, je préfère mon rad entouré de mes vautours. Comment regretter ma vie de jeune impertinent. Même les coches vides, j'ai jamais voulu fuir le ciment. Une vie sordide où j'ai vu mes sauces dead. Morbide, plutôt gore à la Evil Dead. Yeah. Un mouton parmi les loups, moi j'aurais pu être. Comme au milieu des lâches, cousin j'aurais pu naître. Pourquoi pas finir sur canal, ta clé d'Ain tu l'es. Un ange au tribunal, ça j'ai jamais su l'être. Oui mais tout ça je ne regrette pas. Si j'ai quitté ma route en lâchant les manettes. Oui mais tout ça je ne regrette pas. Cette vie de ghetto youth que j'ai pour être honnête. Ouais gros, D-R-Y, 9-4, intouchable, clic. What you be? 2001 zoo, yeah. On ne regrette pas. Ce que j'aurais pu être, ou ce que j'aurais dû être. 9-4, D-R-Y. Un mouton parmi les loups, moi j'aurais pu être.